parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, cet homme-là, accroché ce lilas jusqu'à sous nos fenêtres. Si l'homme garni qui nous servait de nid n'est plus le jet pas les mines, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec les montres crônes, on est sur victoire et comme quelques bistrots, contre un bon compassion, nous prenons une étoile. Nous récitions des vers, au bout du poil, nous oublions l'hiver. La bohème, ça voulait dire, tu es jolie. La bohème, mon chevelet est passé des rues blanches, retouchant les dessins de la ligne d'un sang, du galbe d'une hanche. Ce n'est qu'au matin qu'il se saignait ton fin devant ton café crème. Et puis c'est me ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Dans tout nassin des jours, je me vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs que on vous mayonnaise en haut d'escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon matin semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était gens, on était fous. La bohème,